fais du rap en jeu, je chante ma détresse. La palme revient à celui qui parlera le plus de monnaie de sexe. Les temps changent et les mentalités aussi. J'ai entendu parler de rimes et de punchlines qui se négocient. Oh, mais le rap n'est pas mort, loin de là. Tu pourras dire cette phrase le jour où je côtoierai l'au-delà. Mais le rap n'est pas mort, loin de là. Tu pourras dire cette phrase le jour où je côtoierai l'au-delà. Ils ont pris le rap pour un jeu, mais on n'a jamais joué nous. On est rentré dans ce biz en se disant qu'on va jamais échouer nous. Tout a été dit, c'est vrai, mais on a une bouche donc on l'ouvre. Ils veulent qu'on la ferme, qu'on reste immobile, mais non faut qu'on bouge. On s'est fait seul sans l'aide de personne, non sûrement pas eux. Ils rappent ce que je rappais en 2001, époque du flou racailleux. J'ai pris de l'âge, j'ai pris de la maturité, ça s'entend. On va pas jouer les bandits barges jusqu'à nos 100 ans. Je n'ai rien à t'envier, ce que tu fais, je le fais en mieux. J'ai un cil posé sur ma joue, donc on m'a dit de faire un vœu. Je souhaiterais qu'on nous rende ce qui nous est dû. On a opté pour la musique, on n'a pas fait de grandes études. Donc on fait comme on peut, avec les moyens du bord. Ma vie manquait de sel, je lui ai rajouté du cubord. J'avoue que maintenant elle a du goût. Il y a toujours ces rats d'égo qui jalousent ta musique quand toi tu les calcules même pas du tout. On fait du rap en jeu, je chante ma détresse. La palme revient à celui qui parlera le plus de monnaie de sexe. Les temps changent et les mentalités aussi. J'ai entendu parler de rimes et de punchlines qui se négocient. Oh. Mais le rap n'est pas mort, loin de là. Tu pourras dire cette phrase le jour où je côtoierai l'au-delà. Mais le rap n'est pas mort, loin de là. Tu pourras dire cette phrase le jour où je côtoierai l'au-delà. Ils ont pris le rap pour un jeu, mais on n'a jamais joué nous. On est rentré dans ce biz en se disant qu'on va jamais échouer nous. Je perds la tête, je commence ce couplet comme le précédent. Je suis tellement loin qu'impossible de me souvenir de mes antécédents. Je ne sais même plus si je rappe ou chante. Tout ce que je sais c'est que je les vois toujours mettre cette putain de balle au centre. Tellement je marche, je prends de l'avance. Même Forest ne pourrait me rattraper. Impressionnant sans force et sur vos murs je veux voir matraquer. Mais de quelle concurrence tu me parles toi? Les trois quarts des rappeurs français ne font pas le poids. Donc je n'ai pas de soucis à me faire. La concurrence n'existe pas, ou presque pas. Ils veulent savoir ce que je fous, le scud arrive, je ne stresse pas. Non, j'ai toujours avancé sans pression. Le talent coule de source, donc oui, très peu de remise en question. Certains prennent ça pour de l'arrogance. Ouais peut-être, mais faut de tout pour faire un monde. Donc tu me dois le respect. Fais du rap en jeu, je chante ma détresse. La palme revient à celui qui parlera le plus de monnaie de sexe. Les temps changent et les mentalités aussi. J'ai entendu parler de rimes et de punchlines qui se négocient. Oh. Mais le rap n'est pas mort, loin de là. Tu pourras dire cette phrase le jour où je côtoierai l'au-delà. Mais le rap n'est pas mort, loin de là. Tu pourras dire cette phrase le jour où je côtoierai l'au-delà. N'est pas mort, loin de là. Tu pourras dire cette phrase le jour où je côtoierai l'au-delà. Mais le rap n'est pas mort, loin de là. Tu pourras dire cette phrase le jour où je côtoierai l'au-delà. Mais le rap n'est pas mort, loin de là. Tu pourras dire cette phrase le jour où je côtoierai l'au-delà. Mais le rap n'est pas mort, loin de là. Tu pourras dire cette phrase le jour où je côtoierai l'au-delà.